Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages jusqu'à 22h. On commence par comment nous contacter. Par mail, c'est à l'adresse carapatage@riseup.net. Si vous voulez nous écrire, c'est au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. On a aussi un compte Instagram, @carapatage, et un blog carapatage.noblogs.org où vous pourrez retrouver cette émission et toutes les précédentes. Pour nous appeler en direct pendant l'émission, c'est au 01 43 71 89 40. Mais c'est mieux d'appeler pendant les musiques et on vous répondra à la technique. Et c'est Yantel qui vous parle et je suis avec mes acolytes Henri. Hello. Et Artie. Salut. À la technique et qui va aussi participer à l'émission de ce soir, où on va parler des maisons maternelles. Alors l'idée, c'était d'aborder ce sujet un peu dans la continuité de l'émission de novembre sur la maternité en prison, de continuer à développer un discours sur les maternités enfermées, parce qu'on sait que le contrôle des femmes en particulier ne se limite pas seulement à l'intérieur des prisons, mais... à d'autres institutions, notamment sanitaires et sociales, et parmi celles-ci, les maisons maternelles. Donc, pour résumer brièvement, c'était des institutions à destination des femmes enceintes ou avec un jeune enfant et non mariées, qu'on appelait les filles mères. Parfois, elles étaient mineures, mais pas seulement. On a choisi des bribes de témoignages pour comprendre comment se traduisaient les privations de liberté à l'intérieur et l'élimination sociale des jeunes mères ou futures mères. On entendra aussi des échos d'une lutte menée au collège d'enseignement technique du Plessis-Robinson et à la maison maternelle d'Issy-les-Moulineaux en 71 et 72, qui étaient des internats pour mineures enceintes. Au Plessis-Robinson, elles ont mené une grève et on expliquera quelles étaient leurs revendications et les liens de solidarité qui ont pu exister avec l'extérieur. On fera aussi un détour par l'Irlande pour parler de lieux d'enfermement tenus par l'église, les couvents des Magdalene Sisters principalement, où le fait d'y cloîtrer les jeunes filles enceintes a été plus massif qu'en France. Et pour finir, on discutera un peu de ce que sont les centres maternels aujourd'hui, s'ils se sont reconfigurés, quelles maternités sont pensées comme problématiques et ou à risque, et de la permanence de la figure des mères célibataires dans certains discours, et notamment sécuritaires. Mais on commence par quelques brèves, et c'est encore moi qui parle. On commence par une bonne nouvelle, parce qu'il y a un nouveau journal qui vient de sortir, Plus on est de fous, plus on rit, et qui s'appelle Capitole. Enfin ça, c'est avec mon accent, mais comme c'est toulousain, en fait, ça veut dire Capitole. Voilà, vous avez compris. Et donc, c'est un journal contre les prisons et toutes les formes d'enfermement, avec l'idée de faire du lien avec les gens qui sont à l'intérieur, de diffuser des infos spécifiques aux lieux d'enfermement autour de Toulouse. Donc, c'est le numéro 0. Il est accessible en ligne. Il y a aussi une carte de toutes les tôles autour de Toulouse. Et on mettra le lien sur notre blog, carapatage.noblogs.org. Et voilà, plein de soutien à cette initiative. On espère qu'il y aura beaucoup d'autres numéros. Et ouais, pour enchaîner, moi je vais parler d'une affaire qui est en cours depuis quelques semaines à Lyon. Donc mi-février à Lyon, un facho a été tué et ça a déclenché un torrent médiatique. Donc on va lire un communiqué qui a été publié récemment sur la vague d'arrestation et d'incarcération qui a suivi cette histoire. Vague d'arrestation à Lyon et sa région. Samedi 17 et mercredi 18 février, plus de 11 interpellations ont eu lieu sur des militants et certaines de leurs proches qu'on accuse d'avoir un lien avec les derniers événements qui ont mené à la mort d'un néo-nazi lyonnais. Certains sont suspectés d'être directement impliqués dans les affrontements et les autres d'avoir aidé leurs camarades à se mettre en sécurité face à la répression d'État. Plus que jamais, la caisse de solidarité leur témoigne un soutien indéfectible. Risque d'accélération répressive. Nous pensons faire face à un basculement politique fort qui met directement en danger nos proches, nos quartiers et nos milieux. Il est encore possible que des personnes soient arrêtées dans le cadre de cette affaire ou concernant leurs futurs événements qui vont découler de cette séquence politique. Il nous faut absolument prendre en main la question de la solidarité et partout organiser avec des moyens sécurisés du point de vue de la surveillance afin de résister à l'offensive en cours. Réinvestir politiquement les prisons. La prison devient un horizon, malheureusement, de plus en plus proche pour tous les acteurs et actrices en mouvement. Déjà, il est très fortement à craindre que certaines des personnes inquiétées par les derniers événements finiront incarcérées. Il est urgent de reprendre au sérieux la question des prisons, de s'organiser collectivement et rapidement pour soutenir les futurs incarcérés et développer les réseaux de solidarité autour de ces espaces et de toutes les personnes qui y sont confrontées. Il est nécessaire de maintenir cette solidarité sur le long terme. Nous le réaffirmons, quelle que soit la responsabilité des individus interpellés, qu'ils soient reconnus coupables ou non, ils trouveront toujours notre main tendue. Nous nous tiendrons toujours du côté de la résistance, de l'antifascisme et de celles et ceux qui se mobilisent. Les mauvais jours finiront, à jamais antifascistes. Et du coup, depuis ce texte, il y a eu donc une grande partie des personnes qui avaient été arrêtées ont été placées en détention provisoire. Et il y a eu aussi d'autres vagues d'arrestations depuis. Et on met aussi en lien sur le blog un texte qui s'appelle « Quentin de moi », qui est un peu plus long et qui revient sur le déluge de réactions innocentistes et de dissociation de la part de toute une frange de la gauche et des antifascistes. L'intro de ce texte qui rappelle que, au milieu du brouhaha médiatique ayant suivi la mort de Quentin, il nous paraît important d'apporter un récit différent, soutenant l'action directe de rue, en solidarité avec toutes les personnes interpellées, cherchant à prendre la mesure du moment et à ne pas se ranger du côté de la dissociation et de la répression. Je continue sur les nouvelles de ces derniers temps avec l'info qui nous est arrivée par la presse du décès d'un prisonnier de 19 ans à la prison de Fresnes, mi-février. C'était un prisonnier qui souffrait d'épilepsie et il a fait une crise pendant la nuit. Malgré les cris et l'alarme qui a été donnée par son codétenu et les prisonniers des cellules avoisinantes, les matons n'ont rien fait. Et c'est finalement le codétenu lui-même qui a prévenu les pompiers qui sont ensuite arrivés à la prison et qui ont constaté 5 heures plus tard... le décès du prisonnier. Donc c'est encore une fois une absence claire de soins. Enfin, à nouveau, comme c'est souvent le cas dans les prisons, quand des personnes ont des problèmes la nuit, et puis ça peut aussi arriver le jour. Et puis, ben, évidemment, on pense à ses proches et aussi au codétenu en question qui a vécu le traumatisme de voir son codétenu agoniser pendant des heures avant son décès. Voilà pour les nouvelles. Et aussi il y a un prisonnier kanak qui est décédé il y a 2 semaines, je crois, Frédéric Grouchin, aussi d'un manque de soins en prison, quoi. Et ça, il y a un texte qui a été lu dans l'émission précédente qui est sur notre blog qui parle de ça. J'enchaîne sur un rendez-vous qu'on voulait vous communiquer. C'est samedi 14 mars, la manif contre le racisme et les violences policières qui donne rendez-vous à Paris à 14h pour faire une manifestation entre Nation et République. Et je vais vous lire l'appel pour cette manifestation. Non au racisme, non aux fascistes, non aux violences d'État, solidarité. Samedi 14 mars, unité. D'où que l'on vienne, où que l'on soit né, nous vivons ici, nous travaillons ici, nous étudions ici, ensemble. De l'Ariège à Roubaix, de Grenoble à la Bretagne, de Marseille à la région parisienne, de Mamoudzou à Ouéva, ce sont nos quartiers, nos vallées, nos communes. Nous ne voulons plus laisser ce pouvoir nous réduire à la misère et à la précarité, nous détruire et nous diviser, ouvrir la voie au fascisme. nous décidons de nous unir, de résister, de riposter et de construire la solidarité comme un moyen et comme un objectif. Chaque fois que l'on s'attaquera à l'une d'entre nous, nous nous lèverons ensemble. Chaque victoire des unes et des autres sera une victoire pour toutes et tous. À la mémoire d'Aboubacar Cissé, malien, sans papier, musulman, tué dans une mosquée. Nous luttons contre l'islamophobie et la négrophobie. À la mémoire de Djamen Benadjala, tué par un militant fasciste, nous nous opposons à la présence des fascistes dans nos quartiers. À la mémoire d'El Hassen Diarra, mauritanien, résident d'un foyer de travailleurs immigrés, tué par la police, nous exigeons vérité et justice pour tous les crimes policiers. À la mémoire de Mamadou Garanké Diallo, mort guinéen, mort au large de Dunkerque en voulant traverser la Manche pour fuir une OQTF, nous revendiquons la régularisation des sans-papiers et la reconnaissance des mineurs isolés. À la mémoire de tous nos frères et sœurs tués, violés, mutilés, blessés, déshumanisés par le racisme, la police et la gendarmerie, aux frontières, dans les milieux d'enfermement, dans nos quartiers, faisons vivre partout la solidarité. Donc ça, c'est un extrait de l'appel de, pour cette manif-là qui aura lieu samedi 14 mars à Paris, au départ de Nation pour aller vers République. Et vous pourrez lire la suite aussi où il y a des revendications, notamment sur une carte de séjour à 10 ans pour tout le monde, le fait de s'opposer au fascisme, le fait d'abolir la loi Bienvenue en France qui augmente les frais d'inscription des étudiants étrangers, etc. etc. Donc samedi 14 mars à 14h à Nation. Et on va écouter un premier morceau, Je déteste la France de Changeline. Name the song that way? What do you mean? Nah, cause I feel like people are gonna take it the wrong way. Too late, it's starting already anyways. Are you fucking serious? It's just a joke. Are you fucking serious? Okay, it's starting anyway, so let's go. What? I wasn't ready. Okay. Malais à gauche dans la vague gauche, mise à carreau, qui s'amène, je suis une lesbo. Pas tout craqué, il est trop ghetto. Végé travaux, je mange des filles et des végétaux. Le beat est cramé comme un mégot. Plus haut tu vas, plus tu trouveras des pédos. Waouh, j'enfile ton pote comme un anneau. Anal au pluriel, c'est rigolo. C'est nobody, mais je pèse comme une viking. Je pull up et brûleur de 16. J'suis beaucoup trop chic comme une barquette de fraises. Avec ta peau, je refais mes chaises. D'accord, les mi-corny, d'accord, les mi-niaises. Mais ton petit pote, là, il veut que je le baise. Tu fais comme un hippo, n'en déplaise à tous les six. Bon, j'suis à l'aise. Non, stress, hein. J'découpe ta bite avec finesse, hein. Bilingue, il m'appelle New Riles. Wow, toi, ta meuf que tu détestes, hein. Tous leurs morceaux sentent le fennec, hein. J'connais la solitude comme Shrek, hein. Et comment faire bander tous les mecs, hein. Pulp Fiction, j'ai la mallette, hein. J'ai la mallette. C'est la France, droit pour les putes et droit pour les trans. C'est trop politique, faut que ce soit rigolo, alors parle de bite, de bite, de bite, de bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la bite, la sans fumer de pilon. Boire de l'eau, ouais. Ta punchette je crois. Les faibles et le maillon. Je sais pas où je vais avec celle là-bas. Meuf habite c'est moi, je suis la reine des démons. Malais à gauche dans la vague gauche. Mise à carreau, je suis calme, je suis une lesbo. Pas tout croire qu'il est trop ghetto. Si j'ai pas bon, j'en fais crier des végétaux. Le beat est cramé comme un mégot. Puis au-dessus bas, plus tu trouveras des pédos. Waouh, j'en fais ton pote comme un anneau. Vous êtes de retour dans Carapatage sur Radio Libertaire 89.4. Ce soir, on fait une émission sur les maisons maternelles et c'est l'occasion de s'interroger sur ce type d'institution de contrôle aussi avec le prisme de l'âge et comprendre pourquoi et comment on a réprimé et isolé celles qu'on a nommées par opprobre les filles mères. Donc ce sont des femmes qui ont un enfant en dehors du cadre du mariage et donc sont ramenées à l'état de mineures, filles, même lorsqu'elles sont plus mineures mais jeunes adultes, à des époques où soit on se marie, soit on entre dans les ordres. Il n'y a pas trop d'autres alternatives. Donc, d'où vient l'idée de mettre ces femmes en particulier derrière les murs? Alors, il y a des premières traces de structures fermées pour ces filles-mères dès le XIIIe siècle en Italie. Et ce sont des lieux qu'on dit refuges, donc dans des couvents pour femmes qu'il faut contrôler, avec toujours l'idée de répression de la prostitution ou de suspicion de prostitution, et ça renvoie à ce qu'on avait dit sur les fonctions de la prison de Saint-Lazare dans l'émission sur la maternité en prison. Le recueil des enfants abandonnés, il est lié à l'histoire et l'évolution des institutions hospitalières qui elles-mêmes sont divisées entre des lieux de recueil et des lieux de soins. Et il y aura toujours une tension dans cette histoire-là entre la prise en charge caritative, souvent par l'Église, et l'expertise médicale sur les femmes dont la maternité ne rentre pas dans les normes. Au XVIe siècle, en France, des arrêts sont pris pour rendre obligatoire la déclaration de la grossesse, de l'accouchement et du baptême de l'enfant avant sa mort. Et ça sert à repérer les risques d'abandon et encadrer l'illégitimité. Il y a un changement qui va entraîner beaucoup de conséquences à partir du XVIIIe siècle, c'est qu'avant ça, la bâtardise, on estime qu'elle provient des pères, et donc le renversement va faire que ce sont les mères qui en sont vectrices, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de filles-mères et d'enfants naturels au lieu d'enfants légitimes. Donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le recueil des enfants, c'est pas la prérogative de l'État. Il faut attendre 1793 pour qu'il y ait une première législation sur le problème de la maternité hors mariage. Donc, ce qui fait que le secret des abandons est garanti et qu'il y a un accueil gratuit pour les dites filles-mères dans une maison pour accoucher, enfin une maison liée à un hôpital, quoi. Parce qu'avant ça, le recueil des filles-mères, c'était l'apanage des hôpitaux généraux qui, en fait, cloisonnaient bah, les dominés de la société, ceux qu'on voulait pas voir, comme les mendiants, les invalides, les orphelins. Au début du 19e siècle, dans les hospices, il y a des tours d'abandon ou d'exposition. En fait, c'est une boîte où une femme pouvait déposer un bébé la nuit. Ça se tournait et donc une cloche avait avertissait le personnel de l'hospice qu'un enfant avait été déposé et ça garantissait l'anonymat. Alors, ça a déjà existé au Moyen-Âge, mais en France, ça disparaît définitivement dans les années 1860. Du 18e au 20e siècle, il y a une crise de l'abandon. Et en fait, c'est dû au fait que les femmes pauvres n'ont pas forcément d'autres solutions, même s'il y a déjà des pratiques d'avortement illégales et qui fonctionnent plus ou moins. Et les femmes plus aisées, elles peuvent toujours envoyer un enfant en nourrice loin de chez elles, quoi. Et le 19e siècle, en France, c'est beaucoup de revirements entre la répression et le secours aux filles-mères, avec un partage entre la philanthropie publique et la charité chrétienne. Et c'est surtout le début d'une construction, d'une politique de protection de l'enfance et l'apparition de courants idéologiques qui sont très préoccupés par les questions de natalité. Et l'idée qui apparaît vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est que les enfants appartiennent à leur famille, certes, mais aussi à l'État, et qu'il y a des premières lois pour, enfin, qui se soucient des enfants, par exemple une loi pour déchoir les parents de leur autorité parentale, et qui vont se préoccuper de la violence et de la négligence qui sont faites aux enfants. Et c'est aussi dans un contexte de baisse de la natalité et de guerre, notamment la guerre franco-prusse en 1870. Donc l'enfant devient un bien précieux, si on peut dire. Et tout ça alimente un discours populationniste et nataliste, aussi nationaliste. Et donc il faut faire des enfants pour en faire de futurs soldats et les préserver. Et ça rentre un peu en tension avec la pensée de la dégénérescence qui connaît quand même une montée en puissance avec toute l'idéologie raciste, etc., scientifique du 19e siècle. En même temps, il y a quand même des progrès dans la discipline de l'obstétrique et de la pédiatrie, et les mères illégitimes, elles vont expérimenter ça en premier, puisqu'elles accouchent, elles, en institution, alors qu'à ce moment-là, la majorité des femmes accouchent encore chez elles, quoi. Après la Première Guerre mondiale, il y a une hausse de la dénatalité, mais aussi un hygiénisme moral. Donc on va faire en sorte d'organiser les institutions pour pas mélanger les enfants nés hors mariage, parce qu'ils seraient pervertis par leurs gènes, et d'autres figures honnêtes qui apparaissent, comme les veuves et les orphelins, qui eux sont méritants. Les maisons maternelles, en tant que telles, elles se développent dans la pratique avant d'être inscrites dans la loi. À la fin du 19e siècle, il y a un réseau qui est bien constitué. Elles peuvent s'appeler maisons de secours, asiles de grossesse, toujours dans le souci de ne pas mélanger des filles mères avec des femmes honorables. Et les maisons maternelles, on les trouve d'abord dans les grandes villes. C'est le moment, on l'a dit, d'un progrès dans la puériculture, et donc l'allaitement et ses vertus, ça va être assez publicisé, et pour les mères célibataires en particulier, c'est obligatoire parce que ça augmente leurs vertus morales dans les discours médicaux, et elles vont aussi s'adonner au travail nourricier. Alors nourricier, c'est pas dans le sens actuel, on garde des enfants, c'est nourricier dans le sens premier, nourrir les enfants, les allaiter, et c'est aussi une activité pratiquée par des femmes pauvres un peu dans toute la France, qui pouvaient être nourrices à domicile ou recevoir des enfants à la campagne. Et parce que souvent les maisons maternelles occupent une partie d'un bâtiment plus grand où des ailes sont réservées aux orphelins, aux enfants abandonnés. Donc des années 20 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les mères allaitent un enfant recueilli en plus de leur enfant à elles. Et voilà, donc c'est censé les relever moralement, et ça leur permet aussi une faible rémunération parce qu'elles sont sans ressources. Et dans ces maisons maternelles, elles peuvent aussi faire des travaux d'entretien du linge, de couture, etc., contre un salaire très faible, et aussi apprendre à être une bonne ménagère pour se relever moralement. Et ça a un petit peu continué dans les années 50, mais beaucoup moins. Et il faut savoir que quand ça commence dans les années 20, évidemment, la contraception et l'avortement sont interdits. Mais il y a des lois dites scélérates qui, en plus, répriment la publicité pour ces méthodes-là. Donc, avoir une information est vraiment impossible. Et on va écouter un premier extrait d'une émission de France Culture sur l'histoire des maisons maternelles, où une femme qui y a séjourné nous raconte comment ça s'organise et comment l'architecture y est. Ça ressemblait très fortement pour moi à une prison. C'est-à-dire que vraiment, c'était fermé. Avec un jeu de clés, avec plein de clés pour ouvrir toujours des couloirs, etc. Un rendez-vous avec la directrice hallucinant pour moi, qui a commencé par une phrase qui m'est restée gravée dans la tête et auquel j'ai mis plus de 2 ans à comprendre. Oui, des filles comme vous, prêtes à tout, elles se mettent des poissons rouges dans le vagin pour se faire des sensations. Comme j'avais aucune idée du plaisir qu'on pouvait avoir dans la relation sexuelle, aucune. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire de poissons rouges dans les vagins? Je ne réalisais pas. Ça, c'était le premier. Le deuxième chapitrait, évidemment, sur la réglementation. La réglementation qui était que, là j'avais trouvé ça un peu fort de café, qu'il y avait des hommes de l'hôpital psychiatrique d'à côté qui venaient faire le travail des jardins, qu'il fallait jamais les regarder, et que des filles comme nous, c'était nous qui les aguichions des fenêtres pour les faire monter. Alors là, l'organisation, qu'il ne fallait pas regarder les hommes, etc., bon, c'était étonnant. Il y a eu un chapitrage sur le fait que ce n'est pas parce que j'étais institutrice que j'étais comme les autres. Et moi, je trouvais ça tout à fait normal. Je ne voyais pas que le fait d'être institutrice, que j'étais au-dessus des autres. et surtout qu'il ne fallait remise donc de mon paquetage où il y avait les deux blouses bleues et où il fallait pas faire bouillir les blouses même s'il y avait des taches. Il fallait pas les faire bouillir. J'ai jamais compris pourquoi il fallait pas faire bouillir les blouses. Et on m'a emmené au lieu où j'allais dormir. C'est un dortoir de 50 à 80 personnes. Touche-touche, il n'y avait pas de séparation. Et les berceaux au pied du lit, pour les moins de 3 mois. Et j'ai tout de suite compris la chanson, parce que imaginez 80 personnes qui dorment avec les bébés au pied du lit, je peux vous dire qu'on ne dormait pas de la nuit. Et le matin, on nous faisait lever à 5h30. Et ça commençait par un coup de pied dans la porte, tac, tac, tac, et salope, fille en chaleur, levez-vous, c'est-à-dire les insultes. Alors évidemment, on était complètement abrutis de fatigue, tous les mimi-chatons se mettaient à gueuler en même temps, et on se levait de cette façon. Et à ce moment-là, il fallait enfourner, comme à l'hôpital, la blouse blanche et le masque. On n'avait aucun lien avec nos enfants sans masque. Donc, il n'était pas question de nounours, de bisous, bisous, etc. On alignait les lits. Ouais, donc, avec ce premier extrait, on voit bien comment l'hygiénisme moral et médical peut se conjuguer comme si une espèce de faute qui suit toujours la mère pouvait contaminer son enfant, et on voit qu'on est toujours idéologiquement dans un truc complètement catho de rédemption. Il faut expier sa faute éternellement dans ces institutions. Et en fait, la première loi qui instaure l'obligation d'une maison maternelle par département, c'est le Code de la famille en 1939. Donc les femmes peuvent y être admises à partir de 7 mois de grossesse, moins si elles sont indigentes, donc complètement sans ressources, ou réclament le secret. Et après, elles peuvent y rester jusqu'au 1 an de leur enfant. Ça va être confirmé par une loi en 1943, donc sous Vichy, comme quoi il y a des ponts idéologiques... qui se font, et qu'en fait, sous Vichy, on préfère une maternité même illégitime au refus d'avoir des enfants. Alors, il y a une différence entre les maisons maternelles et les hôtels maternels. Les maisons maternelles, c'est donc pour les femmes enceintes à partir de un certain seuil de grossesse ou moins. Ça sert à les cacher, les isoler, empêcher les avortements et... Le prétexte principal, c'est prévenir les abandons. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1953, apparaissent les hôtels maternels. C'est pour éviter les abandons qu'on dit différés. Parce que, selon des psychiatres, beaucoup de femmes qui sont passées par les maisons maternelles finissent par abandonner ou délaisser l'enfant, le mettant en nourrice très loin, le confiant à quelqu'un de la famille. Et donc là il y a quand même une nouvelle idée qui vient, c'est que sans ce lien avec la mère les premières années, les enfants deviendraient délinquants, et c'est la doctrine de la dissociation familiale, donc le fait de venir d'une famille qui n'est pas dans les normes, et ça va beaucoup imprégner le regard porté sur les mères célibataires. Au final on passe d'explication par l'hérédité, la tare, à celle du milieu social. En hôtel maternel, les mères peuvent y rester jusqu'aux 3 ans de leur enfant, mais c'est conditionné à un emploi ou une formation. Souvent, il y a une crèche dans l'hôtel maternel pour leur permettre de travailler, mais c'est payant. Les nuitées sont aussi payantes, mais ça reste moins cher qu'un logement classique quand tu es dans une situation où tu as très peu de ressources. Et on va écouter un deuxième extrait où une femme raconte... le panel un peu des hôtels maternels sur lesquels elle est tombée. Et j'ai commencé à la suite de ça à faire la tournée justement des adresses qu'elle m'avait données des hôtels maternels. Et je dois dire que c'était pas du tout l'image que j'en avais eue au premier abord. Je crois que le premier que j'ai vu

de retour dans Carapatage, contre toutes les cages, sur Radio Libertaire 89.4. On continue notre émission sur les maisons maternelles. Et il faut savoir qu'il y a une autre institution de tri social qui a participé à l'exclusion des mineurs enceintes ou mères, c'est l'Éducation nationale. Parce que dès que leur grossesse est connue ou trop avancée, elle les renvoie de l'école. Et elles sont envoyées dans des internats dits spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup, comme celui du Collège d'enseignement technique du Plessis-Robinson, où les adolescentes qui sont reléguées là-bas vont entrer en lutte. Ouais, et moi, du coup, je vais vous raconter un bout d'histoire de ce Collège d'enseignement technique, du coup, au Plessis-Robinson, dans en Essonne, je crois, enfin, au sud de Paris. C'est un établissement un peu particulier qui a été créé dans les années 50. Donc, il n'y en avait que deux, comme ça, en tout cas, dans les années 70 en France. Donc le 7, comme on va appeler le collège, accueille des élèves mineurs de 13 à 17 ans qui sont enceintes. Une fois qu'elles y sont placées, c'est l'ASE qui contrôle leurs ressources financières et qui est responsable d'elles juridiquement. Et donc jusqu'en 1972, il n'y a pas d'hôtel maternel et, dans le coin, et les mères quittent le collège à l'accouchement. Les adolescentes qui tombent enceintes sont assez systématiquement virées du collège ou du lycée dans lesquels elles sont, ce qui fait d'elles et qui se font rejeter par leurs parents. Le renvoi du collège fait aussi que la CAF coupe les allocs aux parents parce que déscolarisation. Donc les filles qui n'ont ni la thune d'aller à l'étranger, ni la thune de rester chez leurs parents, ou que les parents veulent cacher car elles sont enceintes, et celles qui étaient déjà dans les filets de l'assistance publique, finissent dans ce centre. Le centre sert donc avant tout à parquer les adolescentes qui y sont placées, et elles n'ont quasiment pas de cours. Et avant tout, celles qui n'ont pas la thune et les ressources d'avorter. À partir de 68, il n'y a plus que des cours ménagers dans le collège. Les formations qui sont préparées, c'est un CAP couture-cuisine et un CAP sténo. Et elles décrivent des cours avec très peu de matériel, très peu de moyens, et qui recommencent souvent à zéro plusieurs fois dans l'année en fonction des arrivées de nouveaux élèves. Donc dans le centre, les élèves sont extrêmement contrôlés. Elles ont le droit de sortir que trois fois par semaine sur des créneaux fixes et encadrés soit par des surveillants qui les suivent, soit par leurs parents qui viennent. La journée, elle est aussi extrêmement rythmée, comme dans plein d'institutions qui enferment, avec des heures fixes de lever, des heures fixes de repas, des heures d'appel plusieurs fois dans la journée, des heures de travail dédiées, des heures de coucher aussi contrôlées, et quelques petites activités de loisirs, mais qui, encore une fois, ont des créneaux très particuliers et sont systématiquement encadrées par des surveillants. Les visites dans le centre sont aussi hyper restreintes. Elles ne sont autorisées que le week-end et exclusivement par des personnes approuvées par la famille et par l'ASE et que dans les espaces communs du foyer. Plus généralement, on voit que le fait qu'elles soient enceintes et du coup aient eu des rapports sexuels est vu comme un signe un peu de leur déchéance morale et qu'il y a un désir total de contrôle de la vie et de leur corps pour leur imposer une vie sobre et morale. Par exemple, sur la nourriture, on peut lire dans le règlement intérieur du collège du Plessis-Robinson que il est interdit d'introduire des friandises, du sel et quelque nourriture que ce soit, et ce, sur prescription médicale. Cependant, les élèves non soumis au régime peuvent laisser à la salle à manger des biscottes sans sel et un pot de confiture destiné au petit déjeuner. Il est également déconseillé de manger entre les repas. La santé et l'esthétique s'en ressentent fâcheusement. Pareil avec la lecture, où les proches ne doivent pas envoyer de bandes dessinées ou de livres jugés pas assez moraux, comme par exemple, est cité Tarzan. Et ces façons de les voir sont aussi présentes dedans le centre, mais aussi dehors, par la façon dont elles sont traitées par les personnes qui, enfin par beaucoup des personnes qui habitent autour du centre. Donc là, on va s'écouter un extrait d'un documentaire qui décrit un peu cette ambiance et qui parle aussi des pressions que les établissements mettaient sur les mères. Faut bien aller quelque part. Je nous promène à l'hôtel maternel, mais on n'a même pas le règlement on encore. On n'a même pas le règlement, rien. Je crois pas que je serai libre, hein. Voir le règlement de tous les hôtels maternels, ils sont tous pareils, ils sont encore pires que le nôtre, enfin. Vraiment, on est regardé comme si on était une petite fille de rien, on est dans les magasins, on nous insulte, on nous suit, on peut vraiment pas faire tout ce qu'on veut, et quand même, c'est un inconvénient pour nous dans la vie, parce que c'est bon, parce qu'on est enceinte, on doit se marquer toute la vie. C'est pas une catastrophe d'être enceinte, c'est pas une maladie. Et donc ouais, cette pression constante, on va la retrouver un peu plus tard aussi dans les méthodes de répression. Parce que du coup, à partir du début des années de l'année 1970, les élèves du centre commencent à s'organiser un peu officiellement et de manière un peu structurée pour dénoncer les conditions du centre. Fin 71, le regroupement des mères célibataires est créé et fait pression sur le rectorat, notamment sur la question des places en hôtel après l'accouchement. Les élèves demandent à participer aux délégations qui vont négocier avec le recteur, ce qu'on leur refuse. La tension monte pendant le mois de décembre 71, à la fois à l'intérieur du collège, mais aussi médiatiquement, avec plusieurs collectifs extérieurs qui se mobilisent et qui publient plusieurs articles dans la presse française. Ça culmine le 18 décembre 1971, quand les élèves décident de refuser l'appel du matin, puis la cantine du midi. Ensuite, pareil, l'après-midi, avec l'appel, puis le soir, avec le repas. Dès le premier jour de grève, la direction fait pression, jouant notamment sur les peurs pour la santé des bébés avec la grève de la faim, en menaçant du coup les mères sur la santé de leurs bébés. Et pour donner un peu l'ambiance, on va écouter un audio qui décrit la façon dont les surveillants parlent aux élèves, notamment de leurs enfants. Entre-temps, moi et ma soeur, on se battait avec les filles, avec les éducatrices, tout ça. À l'hôtel maternel. Oui, à l'hôtel maternel. Alors, comme on s'était battu, hein, mais alors quelque chose de bien. Alors, on est parti, l'infirmière du Plessis, il nous disait, il faut abandonner votre enfant, vous ne pourrez pas l'élever, tout ça, à chaque fois qu'on y allait. À chaque fois que j'y allais, moi, elle me le disait. Ah oui, on nous l'a dit carrément, hein, c'était mon président. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit qu'il faudrait mieux l'abandonner, il serait mieux, d'abord, vous êtes jeune, vous ne profitez pas de votre jeunesse. Et puis il serait mieux élevé, tout n'entrait de rien. C'est très préférable de l'abandonner, c'est tout. C'est très souvent. Et puis quand j'ai accouché aussi, ils m'ont dit. Ils m'ont dit il faut l'abandonner, vous n'arriverez pas à l'élever, tout ça. Du coup, les élèves continuent de refuser la vie du centre et s'organisent pour manger hors des cantines, notamment le soir. Donc le lendemain, le 19, la grève continue et la direction fait venir des médecins qui pipent des examens médicaux et se servent de ça comme prétexte pour contacter les parents en leur demandant de venir chercher leur fille. Plusieurs parents déboulent donc pour prendre leur fille et les violenter. Qui est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans les témoignages, c'est-à-dire l'usage des parents pour venir frapper les enfants. Le lendemain, donc le troisième jour, une soixantaine de soutiens arrivent de l'extérieur pour occuper le centre, dont des militantes du MLF et de grosses personnalités de l'époque, comme Simone de Beauvoir ou Agnès Varda, et des journalistes, qui décident donc de rentrer dans le centre et d'y dormir. C'est là que sortent plusieurs tracts et revendications dans la presse, qui demandent notamment des allocations égales au SMIC et le droit de rester dans leur collège de base, même une fois enceinte. Elles demandent aussi des visites qu'elles décideraient elles-mêmes, sans que ça ait à être validé par l'administration et sans être surveillé. Elle demande aussi plus de sorties, avec des horaires plus souples, et encore une fois, sans être systématiquement accompagnée. Et elle demande aussi la présence de nourrices et de crèches à la naissance pour les aider avec les enfants. Elles veulent aussi changer les conditions dans le centre, notamment en dénonçant les galères d'hygiène, avec peu de douches qui sont très sales, les conditions d'atelier et de cours qui sont pourries, avec très peu de matériel. Et le 21 décembre, donc après un rendez-vous au rectorat, le règlement intérieur est suspendu et la grève s'arrête. Les revendications sont plus ou moins acceptées à moyen terme, mais les grévistes subissent une répression. Celles qui ont fait la grève doivent continuer à lutter après pour pouvoir avoir une place en hôtel maternel, ce qu'ils avaient refusé à la base. Et la direction met la pression aux parents en menaçant de les exclure et de ne pas prendre en charge l'accouchement. Donc encore une fois, pour générer une répression à la maison et en dehors. Il y a aussi une élève qui est transférée de force vers un endroit inconnu et dont les personnes perdent la trace. Et à peu près dans la même temporalité, un an après, il y a aussi une autre grève d'ampleur dans un établissement similaire à ici, mais qui n'a pas connu le même soutien médiatique et la même présence médiatique, et donc dont ça a tourné un peu différemment, dont on va parler rapidement, notamment parce que ça met en lumière les méthodes de répression qui ont été utilisées. Et ouais, c'était dans une maison maternelle gérée par la Croix-Rouge et ça a été une occupation plus conflictuelle, mais moins médiatisée. Donc en fait, ça commence en janvier 72. Il y a une vingtaine de mineurs pensionnaires, si on peut dire, là-bas, de 13 à 19 ans, qui commencent une grève parce que l'une d'entre elles a été expulsée du foyer pour avoir refusé son placement d'office dans un atelier de couture. Et en fait, il y a une réponse très dure de la direction qui verrouille les portes du foyer, qui coupe le peu de communication téléphonique possible vers l'extérieur, qui insulte les jeunes filles qui essayent de négocier avec eux. Mais les mineurs lâchent pas le truc. Et le 6 février, elles expulsent une partie du personnel de la maison maternelle et montent des barricades dans certains couloirs. Elles, par contre, elles n'hésitent pas à parler de foyer-prison dans certains écrits. Elles essayent de manifester en ville, mais ça va être réprimé par la police. La maison maternelle va finir par être gardée par la police, que d'ailleurs, les mineurs vont dénoncer. Elles vont demander leur départ du foyer, dénonçant des violences contre elles. Globalement, elles ont des demandes similaires à celles des filles du Plessis-Robinson. L'accès à des cours aussi généralistes, pouvoir reprendre l'école après l'accouchement, plus de liberté. Elles aussi, elles doivent verser 40% de leur salaire, parce qu'il y a peut-être des tâches couture, etc., qui sont rémunérées à la Croix-Rouge, qui est gestionnaire de la maison maternelle, alors que cette même Croix-Rouge est déjà arrosée de subventions par la DAS. Et je vais vous lire un des tracts qu'elles avaient écrit. Donc ce tract s'intitule « Si tu te révoltes, on te prend ton enfant et on te cogne ». Ils appellent traitement thérapeutique, sanctions, douche froide, dessert supprimé et être obligé de chanter une chanson idiote devant tout le monde à la fin du repas. Le soi-disant psychiatre Le Guerne, en fait médecin généraliste, insultait les mères en rentrant sous dans le foyer. Il n'a pas été renvoyé mais descendu au dispensaire où l'on invite les mères à aller le consulter. Il soigne, entre guillemets, toujours les gens d'ici. Les médecins refusent d'indiquer des contraceptifs et si la mère est à nouveau enceinte, on la renvoie du foyer et on met son premier enfant à l'assistance publique. Parce que effectivement, dans la plupart des maisons et hôtels maternels, si une jeune femme était enceinte une seconde fois, c'était impardonnable. Je voulais aussi revenir sur les raisons du déclenchement de la grève au Plessis-Robinson, où en fait... une des pensionnaires était toujours en contact avec le père de l'enfant et elle voulait le voir. Et du coup, les autres pensionnaires ont voulu l'aider là-dedans. Elles ont réussi à l'introduire dans le foyer. Et quand la directrice a découvert ça, Artie, comme tu le disais, elle a appelé le père de la pensionnaire. Il est venu et il a commencé à la battre devant les autres pensionnaires et le personnel. Alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Et donc, les pensionnaires se sont interposés entre les deux avant d'être arrêtés par le personnel et par la directrice qui trouvait ça justifié que ce père batte sa fille et qu'il ne fallait surtout pas s'interposer vis-à-vis de l'autorité d'un père, quoi. Et du coup... cet événement et la violence de cet événement a été notamment un des déclencheurs de la grève du Plessis-Robinson. Ouais, aussi un peu au Plessis, c'était pareil que l'engrenage que tu décris avec la Croix-Rouge, mais avec la CAF, où une des raisons de placement, c'est le fait que quand elles sont virées de leur collège, comme je te dis, elles perdent leurs allocs, parce que la CAF les considère comme déscolarisées. Et le centre du Plessis était géré donc par l'Éducation nationale, mais avec une association gestionnaire qui est constituée d'employés de la CAF. Et voilà ce qu'on disait sur le contrôle social des femmes, pas limité à la tôle, c'est toutes ces institutions qui se donnent la main et gèrent la vie des autres, la CAF, l'Éducation nationale, les psychiatres, comme en parle les tracts sur la maison maternelle d'ici, la médecine... Et puis, bah, les bonnes sœurs en Irlande. Oui. Mais ça, on va le voir après. Ouais, bah, on va pouvoir passer à un autre morceau. On va écouter The Magdalene Laundries de Joni Mitchell. Thank you. home. Surely to God you think at least some bell should ring. On est toujours dans Carapatage jusqu'à 22h. Alors le morceau qu'on vient d'écouter introduit très bien cette partie de l'émission, puisqu'on va parler de l'Irlande où les pratiques de stigmatisation et d'enfermement de celles qu'on a appelées les filles mères ont été plus massives et enracinées dans cette société très catholique par rapport à la France. Avec la différence, c'est qu'il y a une mise au travail intensive. L'institution la plus connue, c'est les couvents des Magdalen Sisters, avec quelques autres, qui étaient régis par un vrai régime de terreur. Et Henri, tu vas nous en parler, tu voulais revenir sur le morceau qu'on vient d'écouter d'abord. Ouais, pour commencer, je vais d'abord vous lire la traduction en français du morceau, et puis ensuite je vous parlerai un peu plus de ces Magdalen Laundries. Donc, le titre en français pourrait se traduire par les blanchisseries pardon, de la Madeleine. Et voici ce que dit la chanson. J'étais une jeune fille célibataire, je venais d'avoir 27 ans. Quand ils m'ont envoyée chez les sœurs, à cause de la manière que les hommes avaient de me regarder. Brûlée du sceau de la débauche, je savais que je n'irais pas au paradis, je serais rejetée dans la honte, dans les blanchisseries de la Madeleine. La plupart des filles arrivent ici enceintes, certaines par leur propre père. Bridget a eu ce ventre par son curé. Nous essayons de rendre les choses blanches comme neige, nous toutes, filles malheureuses, dans les taches fumantes des blanchisseries de la Madeleine. Prostituées et indigentes, et tentatrices comme moi, femmes déchues, condamnées à un travail pénible et sans rêve. Pourquoi appelle-t-il cet endroit sans cœur Notre-Dame de la Charité ? Oh, la Charité ! Ces épouses sans sang de Jésus, si elles avaient pu apercevoir leur marié ne serait-ce qu'une fois, alors elles sauraient et elles laisseraient tomber les pierres cachées derrière leur chapelet. Elles fanent l'herbe sur laquelle elles marchent, elles aspirent la lumière d'une pièce, elles aimeraient nous envoyer au fond du gouffre, dans les blanchisseries de la Madeleine. Peg O'Connell est morte aujourd'hui. C'était une fille effrontée, une coquette. Ils l'ont juste fourrée dans un trou. Bon sang, on pourrait penser qu'au moins quelques cloches sonneraient. Un jour, je vais mourir ici aussi, et ils me planteront dans la terre comme un bulbe boiteux qui ne fleurit jamais au printemps, jamais au printemps, non, jamais au printemps, jamais au printemps. Donc ça, c'était la traduction de cette chanson Magdalen Laundries. Et c'est ce dont on va parler dans la fin de cette émission. Parce que jusqu'au milieu des années 90, il y a deux institutions pour les femmes dites perdues qui existaient en Irlande. D'une part, les Mother and Baby Homes, qui étaient l'équivalent des maisons maternelles. Et d'autre part, les Magdalen Laundries, les blanchisseries de la Madeleine. Les deux étaient gérées par des congrégations religieuses de l'Église catholique, dont les Sœurs du Bon Pasteur, dont on a déjà parlé ici. Alors, faisons premièrement un petit point bondieuserie. Marie-Madeleine, c'est une figure biblique. Moi, j'aurais dit bestie de Jésus, on m'a dit tout à l'heure peut-être plutôt plan cul de Jésus. En tout cas, ancienne prostituée et dont les péchés ont été pardonnés par Jésus quand elle lui a lavé les pieds. Bon, Du coup, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette image ? Dans les maisons maternelles, comme dans les blanchisseries, les filles et les femmes perdues sont mises au travail pour expier leurs fautes. Quelles fautes ? Celle d'être tombée enceinte, ou d'avoir été violée, incestée, ou même d'être trop jolie, d'être perturbatrice, d'être indisciplinée, d'avoir pratiqué le travail du sexe, d'être handicapée, ou simplement d'avoir nulle part où aller et de venir de milieux pauvres. Parce que dans les milieux riches, quand une femme tombait enceinte ou une jeune fille tombait enceinte, l'argent, hors mariage bien entendu, l'argent pouvait plutôt servir à régler la situation. Parce que dans l'Irlande du XXe siècle, quand une jeune fille tombe enceinte hors mariage, c'est une honte absolue pour la communauté et la famille. Alors on les cache et on les enferme chez les bonnes sœurs pendant quelques mois jusqu'à parfois des dizaines de décennies. Ça, c'est au bon vouloir de ces bonnes sœurs, justement, parce que après l'accouchement, une somme de 100 livres, c'est-à-dire une fortune à l'époque, était réclamée pour qu'elle puisse sortir. Et toutes celles qui n'avaient pas les moyens de payer devaient travailler pour rembourser cette somme. Donc on avait affaire à un système d'incarcération des jeunes filles enceintes hors mariage et des femmes scandaleuses ou déchues en partenariat avec les tribunaux, la police, les services de santé et bien sûr la famille et les prêtres. Alors comment se passe la vie dans une Magdalene Laundry ? On va écouter un premier audio qui parle de l'arrivée dans une de ces structures. Et on se reparle juste après. They took away my clothes. Elles m'ont enlevé mes vêtements. Et elles m'ont donné cette horrible et triste blouse. They were shapeless. C'était informe. Elles voulaient nous rendre aussi laides que possible. Elle m'a dit que je devais me couper les cheveux parce qu'ils étaient longs et que ce n'était pas autorisé. Pourtant, je les avais joliment attachés en queue de cheval et je voulais les garder longs. Je crois que j'ai commencé à pleurer, mais on m'a quand même coupé les cheveux courts au niveau des oreilles. Alors ça, c'est la manière dont on traite ces jeunes filles dans ces institutions. Parfois on les traite comme des religieuses, c'est-à-dire qu'on leur attribue un nouveau nom, on leur coupe leurs cheveux pour les empêcher d'être vaniteuses, ce qui est un péché, on les oblige à porter une tenue informe et à dissimuler leur féminité. Les journées de travail sont très pénibles, elles commencent et finissent par une prière et le travail est lui-même harassant. Donc en fait, ces jeunes filles et ces femmes vivent dans des conditions carcérales. Pas de radio, pas de contact avec l'extérieur. Les visites sont découragées ou interdites. Le courrier est lu et contrôlé. Et à cause de ce système, beaucoup de femmes tombent dans l'oubli et sont abandonnées par leur famille. Et c'est ainsi que certaines passent une vie d'institutionnalisation et d'enfermement, passant d'une mother and baby home à une Magdalene Laundry, quand elles n'ont nulle part où aller. Alors, avant de continuer, on va écouter un second audio sur l'organisation du travail dans ces blanchisseries. L'été dans la blanchisserie, c'était comme dans le désert, tellement il faisait chaud. L'hiver, on avait des engelures sur les mains à force de manipuler les draps gelés. Il y avait une religieuse avec nous. Elle n'était pas trop méchante, mais elle était là à nous surveiller tout le temps. Elle ne travaillait pas, son boulot c'était de nous surveiller. En plus, il y avait des femmes plus âgées qui étaient là depuis des années, qui mouchardaient si on parlait trop longtemps à une fille. Et si on parlait trop longtemps à quelqu'un, le lendemain, on nous changeait de salle. Bien sûr, les femmes enfermées là-bas travaillent sans salaire, sans cotisation, mais par contre, leur travail, lui, a bien servi à enrichir l'Église. Et sans compter les conditions de vie carcérale et l'absence de soins. Donc, celles qui y sont restées longtemps n'ont aucune retraite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces anciennes blanchisseries, des anciennes Magdalènes âgées de 60 à 80 ans continuent à vivre là et à cohabiter avec les bonnes sœurs. Ce régime, qui a existé de 1922 à 1996, a concerné 10 000 jeunes filles en Irlande. Maintenant, revenons sur certaines spécificités des Mother and Baby Homes, et particulièrement aux conditions de vie des femmes et des enfants dans ces endroits, où on a compté 56 000 femmes à les avoir fréquentées et à y être passées. On est dans un contexte, comme tu le disais, Yentl, très conservateur en Irlande, avec une interdiction de l'avortement qui a seulement été légalisée dans le pays en 2018. Le but des Mother and Baby Homes, c'est de faire expier les péchés aux mères et à leurs enfants, qui sont eux-mêmes le fruit du péché. Alors, ils font l'objet de traitements atroces. Déjà, les mères accouchent dans la douleur, elles n'ont pas le droit de crier et elles n'ont pas d'aide. Et entre un délai de 7 jours à 1 mois, leurs enfants leur sont arrachés. Il faut savoir que quand elles arrivent, elles signent un contrat et elles acceptent de renoncer à garder leur enfant. Alors, ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent après l'accouchement ? Donc, ils sont arrachés à leur mère. Et plusieurs témoignages et indices montrent qu'ils sont élevés dans des conditions inhumaines, sans soins, sans chauffage, dans un pays où, quand même, en Irlande, il fait très froid l'hiver, et dans une condition de malnutrition, donc sans nourriture suffisante. Une partie de ces enfants décède. Les taux de mortalité dans les Mother and Baby Homes sont très élevés, plus élevés qu'à l'extérieur. Donc, ils décèdent de mauvais traitements, de maladies. Une autre partie est vendue à l'adoption. À cette époque-là, l'Irlande était connue comme l'endroit où il fallait aller pour adopter facilement un enfant et le mettre à son nom. Donc, on a un véritable trafic et vente d'enfants, en particulier 2100 d'entre eux qui sont partis vers les États-Unis d'Amérique, organisés directement par l'Église catholique. Et donc, plus tard, on a des témoignages de ces mères qui ont essayé de retrouver la trace de leurs enfants et qui, certaines pour certaines, l'ont retrouvé aux États-Unis. Ça, c'était pour une partie de ces enfants. D'autres de ces enfants étaient adoptés directement en Irlande, où certains d'entre eux, par exemple, servaient de main-d'œuvre servile pour des familles d'agriculteurs à la campagne, dans un climat de violence et de travail très difficile. Pour les enfants qui n'ont pas survécu, il y a une ville dans le comté de Galway, la ville de Tuam, où une fosse commune de 800 corps d'enfants a été retrouvée sur le site, l'ancien site d'un Mother and Baby Home. Et donc ces enfants étaient, la manière dont ils ont été enterrés et le fait qu'ils soient autant à être décédés à un jeune âge montre la manière dont ils ont été traités. C'était des enfants illégitimes, donc ils ont été enterrés sans sépulture. Et récemment, il y a eu une action pour réenterrer à nouveau et donner une sépulture digne à ces dépouilles qui, à l'époque de la Mother and Baby Home, avaient été enterrées dans une ancienne fosse septique. Et donc, voilà, il y a une action qui a été faite pour leur donner une nouvelle sépulture. Ce qu'on voit avec ces Mother and Baby Homes et ces Magdalene Laundries, c'est tout un système d'institutionnalisation, de carcéralisation de jeunes femmes pauvres et de leurs enfants. Ce qui fait que, par exemple, quand on naissait dans une Mother and Baby Homes, on pouvait ensuite se retrouver dans une Industrial Schools, ce qui était des endroits où étaient placés des enfants pauvres. Pareil, dans des conditions très difficiles, et ensuite finir dans une Magdalene Laundries. Donc on avait vraiment tout un système de structures et on pouvait passer de l'une à l'autre. Et c'est des parcours qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le dit secteur sanitaire et social qui prend en charge et donc enferme les gens. Oui, et c'est vrai que même en France, jusqu'à quand même récemment, ou dans d'autres pays moins catholiques, moins imprégnés par la religion, il y a quand même une tradition de délégation par l'État, de gestion notamment des femmes et des enfants à des congrégations religieuses. Le Bon Pasteur, on en a parlé, les enfants de la Belle Étoile en Savoie, qui était un centre de redressement pour les petits garçons géré par des curés. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que, bon, là, ce qui est particulier, c'est que les femmes qui restent toute leur vie, ou même certaines, devenaient même bonnes sœurs, parce qu'il y avait aussi une complicité de la société qui faisait qu'on n'avait aucune perspective à la sortie. Et que, oui, c'est un contexte d'emprise et de fanatisme religieux, et le fait de, bah, qu'on change ton prénom, qu'on te mette un uniforme, souvent interdiction de parler, ça fait que ça détruit ton individualité, en fait. Et même s'enfuir et faire des choix, ça devient compliqué, pas que matériellement. Ce phénomène des mother and baby homes et des Magdalene Laundries, il a été connu à partir de... Il est revenu un peu sur le devant de la scène à partir de 1998, parce qu'il y a un documentaire avec des témoignages qui s'appelle « Sex in a Cold Climate » qui est sorti. Parce qu'il faut savoir qu'avant, les femmes qui étaient passées par ce genre d'institution ne parlaient pas par honte. Et donc, ce sujet a mis très longtemps à revenir un peu à être connu. Et puis, 4 ans plus tard, il y a un film plus à grand public et une fiction qui s'appelle Magdalene Sisters qui est sorti. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un gros boom, et justice a commencé à être demandée par les anciennes victimes. Alors, il faut savoir que malgré tous les processus qu'il y a eu, les responsables n'ont pas été réellement inquiétés, et que les congrégations religieuses se gardent toujours bien de donner accès à leurs archives. Je finirai par dire que il y a un lien très clair dans cette histoire avec, enfin, entre cette histoire-là et celle de la pédocriminalité de l'Église catholique irlandaise, et qu'on voit qu'il y a un peu un pattern de maltraitance et d'abus des enfants par cette institution qu'est l'Église catholique. Et que les commissions d'enquête en Irlande là-dessus, elles sont quand même très très récente, c'est 2017-2018 à Tuam, là, sous le charnier, sous le Mother and Baby Homes. Il y a des fouilles vraiment archéologiques faites par des historiens depuis seulement l'année dernière. Donc même ça, c'est hyper récent. Et bon, après, ce serait une discussion à voir plus largement, mais je trouve qu'il y a quand même un côté un peu... de manipulation de l'Église catholique en Irlande, qui essaye de jouer sur la justice réparatrice et qui s'imagine que c'est juste demander pardon et continuer à faire de la rétention d'archives ou vivre sa vie comme si de rien n'était. Et voilà, ça peut, enfin, c'est une grande question de comment obtenir justice auprès d'institutions comme ça. Et c'est vrai que même sur ce que tu disais sur la pédocriminalité, il y a quand même dans tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission quelque chose qui affleure, c'est la question de l'inceste qui est présente dans la vie de beaucoup de jeunes femmes envoyées là-bas. Et pourtant, quand on s'intéresse à toutes ces institutions, elles prononcent jamais le mot d'inceste. Genre dans les discours des professionnels, du social, du médical, etc., il n'y a pas ce questionnement. Et il y a un peu la même attitude avec les gens du village, que ce soit au Plessis-Robinson, en Irlande, n'importe où, qui voient ça sous leurs yeux et font comme s'ils ne savaient pas, ils savent, mais ils ne savent pas. Et voilà, une forme de lâcheté collective et de tout le monde l'accepte. Et il y a les jeunes filles incestées d'une part, et aussi les jeunes filles violées par ailleurs, qui ont les deux ont la double peine d'avoir subi des agressions et puis de se retrouver enceinte et d'être punie, que ce soit en étant exclue de leur école et placée dans un foyer en France, ou que ce soit en étant placée dans un foyer et ensuite une blanchisserie en Irlande. Et donc, voilà, cette question d'expier des péchés... et de les rendre responsables des agressions qu'elles ont subies. Quoi. Et comme dit Dorothée Ducy, qui a beaucoup écrit sur l'inceste, qu'une famille ou un village, enfin une communauté, préfère se débarrasser de la victime pour plus la voir plutôt que de l'auteur. Et ça se matérialise par plein d'institutions, même aujourd'hui, les HP, etc., que les victimes, on s'en débarrasse même derrière des murs réels, quoi. Et pour finir, un petit point sur les centres maternels aujourd'hui. À partir des années 80, on commence par parler des familles monoparentales, entre guillemets, parce que fille-mère, c'était trop stigmatisant, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des politiques peu favorables aux mères seules. Alors, les centres maternels aujourd'hui, il y en a à peu près un par département. Ça dépend du conseil départemental. C'est géré soit par des associations gestionnaires, si c'est privé, et si c'est public, c'est géré par l'aide sociale à l'enfance, qui finance 6 mois de séjour. Donc, on accueille des jeunes mères et des mineurs à partir du 7e mois de grossesse, ou plutôt, c'est selon les endroits. Parfois, on peut accueillir seulement des mineurs à partir de 16 ans, et elles peuvent y rester jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Alors, aujourd'hui, les mineurs enceintes ou mères sont minoritaires dans les centres maternels, et minoritaires de façon générale, comparées aux années dont on a parlé. Mais dans ces centres maternels, il y a quand même pas mal de femmes qui ont moins de 21 ans, et pour résumer, celles qui s'y retrouvent, elles ont elles-mêmes souvent été placées pendant leur enfance à l'ASE, où ce sont des femmes réfugiées arrivées récemment en France, des femmes handicapées, des femmes psychiatrisées. Donc, bref, des maternités à surveiller avec tous les biais du travail social qu'on connaît. Et dans ces centres maternels, l'accent il est mis sur la réinsertion et le lien mère-enfant. Donc ça vous rappellera sûrement des choses, parce que c'est quand même le fonctionnement des hôtels maternels. Alors il n'y a pas trop d'intimité, parce que tu peux avoir une petite chambre et une cuisine collective. Il y a parfois des studios dans le centre, mais c'est pour très peu de personnes. À côté de ça, il y a des centres parentaux qui peuvent accueillir les deux parents, papa et maman, évidemment, qui ont pour projet d'élever l'enfant ensemble. Parfois, il y a une crèche dans ces centres maternels pour permettre aux mères de travailler, parce qu'il faut se réinsérer. Et dans tous les cas, les mères doivent payer la crèche et pour beaucoup de choses dans le foyer, l'hébergement, etc. Mais à moindre coût qu'un logement classique, quoi. Donc les visites des proches sont aussi encadrées. Les pères ou les compagnons ne peuvent pas rester dormir, parce qu'il faut être une bonne famille normale, mais préserver sa vertu quand même. et j'avais lu un article sur le collège du Plessis Robinson, dont on a parlé de la grève, qui disait que la majorité des filles qui se retrouvaient là venaient du nord de la France, de Martinique et de Guadeloupe. Et aujourd'hui, quand on cherche des choses sur les grossesses adolescentes, il y a un regard médiatique et collectif qui cible vachement les grossesses adolescentes, toujours dans le nord de la France et en Guyane. Et il y a toujours une attention particulière à ces territoires-là, qui sont vus comme pauvres. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a toujours un service d'accompagnement des mères lycéennes et collégiennes qui vivent encore dans l'isolement social et ont des difficultés à retourner à l'école après leur accouchement. Et c'est vrai que, comme on a dit, parler des mères célibataires, de la dissociation familiale, c'est-à-dire que les problèmes de l'enfant et qu'il devient délinquant parce qu'il vient d'une famille pas normale, ça a quand même vachement ressurgi pendant la répression des émeutes en 2023, où c'était les mères célibataires qui étaient coupables, il fallait remettre de l'autorité, et un enfant comme ça, faut lui mettre une baffe et le mettre dans le coffre, et faut serrer la vis. Et aussi avec de la répression institutionnelle, des difficultés d'accès au logement, le ciblage de la CAF et des algorithmes, si t'es une mère isolée, on va beaucoup plus te contrôler, on va venir chez toi regarder si t'as tant de brosses à dents, est-ce que t'as pas un mec caché ou pas, et même devant la justice, où c'est dur d'éloigner ses enfants d'un père violent, et que la doctrine, c'est de tout faire pour maintenir le lien sacré avec le père, quoi. Et ça va être l'heure de se quitter. Je pense que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez écouter l'émission de novembre sur la maternité en prison, parce que bah, y a des choses qui vont faire écho et probablement que les deux vont bien se compléter. Oui, et c'était l'idée de ces émissions. Nous, on va se retrouver le mercredi 18 mars à 20h30. 18 avril ? Non, 18 mars, parce qu'on est en mars. Pardon. Il y aura une émission le mercredi 18 mars à 20h30. On va écouter My Baby Just Cares For Me, super l'accent, de Nina Simone. Et force à toutes les enfermées, parce que ça va être le 8 mars, donc il y a des femmes auxquelles on ne pense pas beaucoup, c'est les femmes en tôle, en CRA, en HP, en centre éducatif fermé, tout ça, et voilà. Force et à bientôt. À plus. Une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.